pas mon âme. Que Dieu m'en soit témoin. Cache en banque, j'utilise mon arme. Parler un an procès, négro, pas témoin. Nique le Dadja, nique les élus. Est-ce que ça court chaque jour, je suis killu. Drive au MC comme des pilules. Bouge des CD comme des pilules. Gardère, je suis comme ça, le vieux négro, t'es comme shit. Si tu sais le gouvernement, bientôt autosuffisant comme Chine. Sorifa, à ma table que des visionnaires, estimation, gros chiffre d'affaires, c'est visionnel, ligue des hommes, tabron d'un sens décisionnel, galère. Mais où on la dalle va m'encorer, sans conscience, pas même sans corée, des fausses-mères sont seulement dorées. J'avance avec mes frères, sans ma formation, on aime pour du cash ou des tasses, merci sans façon. Bad comme Michael, français négro comme Michael, âgé de 22 ans, puissant comme Michael. Je vendrai pas mon âme, contre qualité comme Skipa. Fais monter le tarot bientôt pour apparition, tu donnes Sika. Galère, on a la dalle mais c'est pas la même. Nous et eux ce n'est pas la même. Que ça vient sans stress, sans trop les paramètres. Dans les trous de verre comme Donny, de la villa comme Tony. Shenzhen dans Mercato comme Bonnie. Kick sur la frotte comme Donny, gardien. Dans la trappe, on y vérifie le froid de ouf. Il dépasse seigneur, j'y crois de ouf. Dépraqué, je me sens comme roi de ouf. Tout ce que je fais, je fais avec et pour la familia. Vision, il s'est présenté comme celle qui progresse avec la familia. Quoi? Je prendrai pas mon âme, je prendrai pas mon âme, je prendrai pas mon âme, je prendrai pas mon âme. Je ne sais pas. De la fédération négro fuck une médaille. Libérez monsieur zone 6 numéro 9 et Sedai. Je brise déjà les chinois comme un yuan. Tous les jours fume du H, trouve moi dans le ciel comme un nuage. L'Africain réfléchit comme un feu. Esponible QSL. Inarrêtable en mode marathon. Esponible QSL. Galère. Furtif négro transige comme un sous-marin soviétique. Lunettes, SOD, double type que du libre, pas de soviétique. Comme Jeff, j'ai un indé, accroché au train comme des indiens. Franche passe, sans ça des focas qui défendent l'attaque et je maintiens. Je prendrai pas mon âme, je prendrai pas mon âme. Salope. Je prendrai pas mon âme.